الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui on verra inshallah ta'ala le hadith numéro 13. Et donc الدين النصيحة, la religion est la sincérité, le fait d'être sincère. Le prophète sallallahu, ou du moins le cheikh, on va commencer d'abord avec la parole du cheikh. Le cheikh Rabi'a hafidhahullah ta'ala, qui nous cite ici le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit trois fois ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. C'est quoi l'arabe de ad-din? Donc, avec Alif Walam? Non? Al-Nasiha? Mu'arraf? Il n'y a pas un problème? Aïwa. Mad-din illa al-Nasiha. Yani al-Hasr. Cheikh Mu'azimi, rahimahullah, il nous dit lorsque le khabar, il est mu'arraf, hada yufidu al-Hasr. Et donc la religion n'est que la loyauté, le fait d'être sincère. Et ça c'est important. Les compagnons, ils ont demandé l'iman ya Rasulallah. Pour qui au messager d'Allah? Lillahi wa li kitabihi, pour Allah, pour son livre. Wa li rasulihi, pour son messager. Wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, pour les imams des croyants, pour les imams des musulmans. On verra le sens après. Ainsi que la masse des musulmans, ou du moins la généralité des musulmans. Et donc, ce principe est très important dans notre religion. On va commencer donc, inshallah ta'ala, par le fait d'être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants nous disent, « Huwa al-imanu bi wujudihi awwalan » Donc le fait de croire que Allah tabaraka wa ta'ala existe. « Wa al-imanu bi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi » Le fait donc de croire en la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa divinité, et ses noms et ses attributs. Le fait que donc tu affirmes que Allah c'est lui qui gère toutes ces créatures, c'est lui qui gère tout ce qui existe autour de nous. C'est lui qui gère toutes choses. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Et le fait que tu affirmes les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est important, ça fait partie du fait d'être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika an tuti'ahu. Et aussi le fait que tu obéisses à Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu crois que c'est lui ton Seigneur, c'est lui ta divinité, pourquoi est-ce que tu vas lui désobéir? Et souvent beaucoup de frères ils posent cette question par rapport à des personnes qui croient en la présence d'une divinité, mais qui te disent je n'ai pas de religion particulière. Ils te disent je crois en une divinité, mais je n'ai pas de religion particulière. Alors, chaque fois, ils disent, mais comment on fait pour montrer à ces personnes la véracité de l'islam? Mais tu leur poses tout simplement ta divinité, c'est une divinité qui est parfaite ou pas? Ils vont te dire tous, oui, c'est une divinité parfaite. Ok, d'accord. Une divinité parfaite. Est-ce qu'une divinité parfaite, elle laisse ses créatures comme ça, sans leur montrer ce qui est bien pour elles, sans leur ordonner, ni leur interdire quoi que ce soit? Ou alors la divinité va montrer le bien et le mal, va ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal. Il faut te dire, ouais, la divinité, elle va ordonner et montrer. Et c'est là que, par la suite, après cela, tu peux aborder le sujet, donc, des principes de l'islam. Mais avant cela, cette personne, elle doit déjà comprendre l'importance d'obéir à ce créateur que tu as. Si tu crois en l'existence de ton Seigneur, tu dois forcément lui obéir. Et donc, c'est là qu'on voit la contradiction qu'il y a chez ces gens-là qui vont croire en l'existence d'un créateur, mais qui nous a laissés libres comme ça. Et nous a laissés, en fait, on ne lui obéit pas ou on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est là qu'on voit, donc, le manque de sagesse. Le manque de sagesse ici. Et à chaque fois, j'aborde ce sujet avec des gens qui ont cette croyance-là. Est-ce que ta divinité est sage ou pas? Est-ce que c'est une divinité qui est douée de sagesse ou pas? Et lorsqu'on aborde ce sujet-là, ils se contredisent à chaque fois. Et donc, c'est important, chers frères, qu'on revienne à ce principe, le principe d'obéir à notre Seigneur, Tabaraka wa ta'ala. En ce qui concerne la loyauté ou la sincérité, le fait d'être sincère envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-imanu bi risalatihi, le fait de croire en sa prophétie, le fait qu'il a été envoyé pour transmettre un message. Et si tu crois en cela, si tu crois en cela, alors forcément tu vas le suivre. Forcément tu vas le suivre. Et ça, c'est un principe important, un principe fondamental, mon cher frère. Le fait que lorsque tu rentres dans l'islam, lorsque tu affirmes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tu affirmes donc que c'est lui qui doit être suivi. C'est lui l'exemple qu'on doit suivre. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à cela dans plusieurs passages de son livre. Et donc il faut qu'on comprenne, mon cher frère, qu'on arrête de mettre en avant les paroles de certaines personnes qui vont contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà cité l'exemple des innovations. Certains savants qui nous ont dit qu'il y a de bonnes et des mauvaises innovations, c'est contraire à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, au cher frère, il faut qu'on fasse attention. Tu crois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah? Ne va pas mettre la parole de Abdul Karim ou de Ibrahim ou un autre ou la parole d'un savant au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui doit être suivi. Et donc ça, c'est important. Et les sectes et tous ceux qui ont en eux de l'égarement ont mal compris ce principe. Ils ont mal compris ce principe. Car ils ont mis en avant les paroles de Shuyur qui contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit que tous les innovateurs, jami'uhum, tous, ils ont mal appliqué ce principe, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Voilà pourquoi, chers frères, c'est important, lorsqu'une personne se convertit à l'islam, c'est important de lui expliquer ce principe. C'est important de lui expliquer la ilaha illallah, la signification. Et c'est important de lui expliquer la signification de cette parole, Mohammed est le messager d'Allah. Que cette parole implique que tu suives le prophète, le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant le fait d'être sincère envers le livre d'Allah, qu'on aurait dû citer avant, les savants nous citent le fait de croire en tout ce qu'il y a dans le livre d'Allah. De la même façon qu'on doit croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté. Et donc tu dois croire en ce livre. Mais il fait partie de la sincérité envers ce livre de le lire déjà. Et ça, c'est un mouchkil. Ça, c'est un mouchkil, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Qui passe son temps, qui accorde de son temps à la lecture du Coran, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein? Aujourd'hui, beaucoup, je ne dis pas beaucoup des awam, mais beaucoup parmi ceux qui s'affilient à la sunna ressemblent aux chrétiens en cela. Les chrétiens se sont éloignés de leur pratique et ils ont délaissé leurs livres. Ils ont délaissé leurs livres. Aujourd'hui, des personnes qui s'affilient à la sunna, ils ont la même pratique envers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne lit pas, que très rarement. Allez, le vendredi, surat al-kahf. Masha'Allah. Ou alors, quand Ramadan arrive, allez, cette année, je vais essayer de finir le Coran pendant Ramadan. Et le reste de l'année? Et le reste de l'année, on fait quoi? Et donc, c'est important, chers frères, qu'on lise ce livre que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé pour notre guider, pour nous. C'est nous qui en avons besoin. C'est nous qui en avons besoin. Ensuite, on s'étonne que lorsqu'il y a une fitna qui arrive, il y a une division totale. Personne ne comprend. Tout le monde part à droite, à gauche. Chacun, il a sa compréhension. On est où déjà à la base? Dans la lecture et dans la méditation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, c'est important, chers frères, que chacun fasse l'effort. Car cela fait partie de la sincérité envers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. De la même façon que tu vas t'efforcer, lorsque tu entends dans ta famille, tes voisins, au travail, tu vas entendre des gens qui parfois vont chercher à modifier l'essence du Coran. Il se peut que tu entendes un takfiri, hein, au travail, chez tes voisins ou autres, qui cherchent à modifier l'essence du Coran. Et tout de suite, tu vas avoir une jalousie. Tu vas vouloir défendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, défendre le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et dire aux gens, non, ce n'est pas cela le sens de la parole d'Allah. On va te dire, effectivement, ça aussi, ça fait partie de la sincérité envers le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de le défendre. Mais avant, t'as oublié le fait de le lire. Tu as oublié le fait de le lire. Et donc, c'est important. C'est important, comme on le dit souvent, notre religion, l'IFK, ce n'est pas un supermarché. Tu ne viens pas, je prends ça. Ah non, ça, ce n'est pas encore les soldes, je ne le prends pas, etc., etc. C'est important, chers frères, qu'on rentre pleinement dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça, la salafia. Ce n'est pas sur la bouche. Le fait de dire, je suis salafi, et le livre d'Allah, je le lis pendant Ramadan. Ce n'est pas ça, la salafia. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse preuve, aux chers frères, de sincérité envers le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait d'obéir aux ordres et aux interdits d'Allah qui sont cités dans ce livre. C'est important qu'on applique cela et on va le préciser, bi'idhnillahi ta'ala, un peu plus tard. Inch'Allah ta'ala, on va détailler un peu sur ce sujet. Ensuite, on a la sincérité envers les imams. Les imams, cette parole englobe les gouverneurs et les savants de la communauté musulmane. Concernant les gouverneurs, comme on l'a déjà vu précédemment et plusieurs fois, et donc le fait d'être sincère envers eux, nous devons obéir à nos gouverneurs. Les gouverneurs musulmans, nous devons les obéir. Et nous devons éviter de les critiquer publiquement, nous devons les conseiller, comme on l'a déjà vu, et nous devons donc aussi invoquer pour eux, et nous cite les savants, le fait d'invoquer pour nos gouverneurs. Et arrêter de parler sur eux. C'est important, chers frères. Comme on l'a cité hier, c'est malheureusement de plus en plus rare quand on trouve des frères qui pensent à invoquer pour les gouverneurs. Pourtant, il y a un très grand bien en cela. Un gouverneur salafi, combien il peut faire de bien dans un pays? C'est énorme. Et donc, il faut vraiment impérativement, aux chers frères, qu'on pense à cela. Le fait d'invoquer pour nos gouverneurs. Concernant les savants, on a le fait donc aussi d'obéir aux savants. Nous devons aussi obéir à nos ulama. Les savants nous disent concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa atiur Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ils nous disent ici wa ulul amr, il y a aussi les ulama qui rentrent dedans. Et donc l'obéissance, le fait d'obéir aux gouverneurs et obéir aux savants, cela dépend, bien entendu, de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que la parole de ce gouverneur, la parole de ce savant, est conforme à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et nous devons aussi défendre nos gouverneurs, nous devons aussi défendre nos savants lorsqu'ils sont attaqués. Et ça fait partie des principes de Ahl Sunnah. Le fait de défendre les savants de la Sunnah. Hein? Contrairement à ceux qui vont les critiquer injustement. Et aujourd'hui, on a, mashallah, on a des ruses dans la façon de critiquer les ulama, de façon indirecte. Et malheureusement, beaucoup, ils ne voient pas ça. Hein? Le fait de dire que Cheikh Ubeid, il ne vaut pas un centime, c'est pas une critique? Le fait de dire que Cheikh Rabi', il est mal entouré, c'est pas une critique? Le fait de dire que tous les toulèbes de Cheikh Rabia, tous, sont des saafs, pas. C'est pas une critique envers Cheikh Rabia. Et donc, oh les frères, il faut qu'on arrête d'être naïf. Et de défendre, de s'accrocher au faux. Il est important qu'on ait cette jalousie pour notre religion. De la même façon que tu as la jalousie pour le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu as la jalousie pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu as aussi la jalousie pour les ulémas, qui sont les héritiers des prophètes. Tu n'aimes pas les gens critiquer les ulémas comme cela. Et donc, il faut qu'on fasse attention à cela, barakallahu fikoum. On a aussi donc la sincérité, le fait d'être sincère envers les croyants, de façon générale. C'est-à-dire, ici, Ammatul Muslimin, c'est tous ceux qui ne sont pas des ulama ou des umara, donc des savants ou des gouverneurs. Le fait d'être sincère envers eux, Cheikh Ibn Thaymin, rahimahullah, il nous cite un point important, il nous dit le fait d'aller les voir avec le sourire. Parfois, certains disent, par exemple, quand on avait les rassemblements de l'Eid ici, entre les salafis, parfois j'entendais certains awam qui disaient « Ah ouais, c'est vrai, c'est bien d'aller prier avec les salafis, mais c'est vrai qu'on Allah wa qu'on Rasulullah, mais quand tu rentres dedans, c'est presque tu te fais mitrailler du regard. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de... » Il faut qu'on fasse attention à ça, barakallahu fikoum les frères. Ça peut éloigner les gens. Une personne qui rentre dans une mosquée ou un endroit où on sait que c'est les salafis qui sont là, elle rentre et elle voit que des visages fermés. C'est qui ça? C'est qui lui? Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? C'est qui? Mais non, marhaban bik ya akhi. Bienvenue, alhamdoulilah, ici tu vas apprendre la sunna, mon frère. Ici, alhamdoulilah, tu vas apprendre qu'Allah, Allah, qu'Allah Rasulullah. Tiens, mon frère, c'est toi. Tiens, prends une bonne place. C'est important, mon frère. L'ifka, ça fait partie des droits des croyants. Le bon comportement envers nos frères. Yanni, si ton frère, il appelle l'Ihya, tu n'as pas un bon comportement avec lui. S'il n'a pas compris la sunna, tu n'as pas un bon comportement avec lui. Est-ce qu'on a toujours été salafi? Est-ce qu'on a toujours été musulman déjà à la base? C'est comme ça que vous étiez avant. Alors Allah, il vous a accordé de ses bienfaits. Et donc aujourd'hui que tu as compris la sunna, pense à ceux qui n'ont pas compris la sunna et aide-les. Au lieu de les appuyer, au lieu de les taper, au lieu d'aider Shaitan à les égarer, fais en sorte que ces personnes aiment la sunna. Et bien entendu, il y a le fait donc d'avoir un bon comportement envers eux. Et donc le fait d'être sincère envers nos frères, les musulmans, il y a donc le fait d'avoir un bon comportement envers eux. Le fait de leur montrer leurs défauts. El muslimu mir'atu akhi. Hein? Il y a beaucoup d'ahadiths là-dessus. Le croyant est le miroir de son frère. Le musulman est le miroir de son frère. Tu lui montres ses défauts. La yaliq, c'est pas convenable que tu aies un frère qui est avec toi. Yemshimah, qu'il marche avec toi. Tu vas avec lui au resto, tu vas avec lui à la mosquée, tu vas avec lui au travail. Tu sais qu'il a un défaut, tu ne lui dis pas. Mais derrière, tu vas voir un tel. Ah, Foulen, tu sais qu'il machin, là, ça. Hein? C'est quoi ça, les frères? Ça fait partie de la sincérité? La abadan. Et donc, il faut qu'on corrige cela. Il faut qu'on corrige cela. Ça, c'est important, la sincérité, le fait d'être sincère envers nos frères musulmans. Tu sais que ton frère, il a un défaut, va lui dire, au lieu de parler à tout le monde. Car cette caractéristique est une caractéristique qui est spécifique aux femmes. Ce n'est pas un comportement d'homme. Et parmi les preuves de cela, il y a tout simplement le châtiment lié à la médisance. Le châtiment lié à la médisance, la personne qui est tombée dans ce grand péché, le châtiment de cela, Yawm al-Qiyama, c'est que cette personne va se griffer, Yawm al-Qiyama, avec des ongles en métal ou des ongles en cuivre. Et les ulama nous disent, et cet acte-là, le fait de se griffer comme cela, ça fait partie des actes des femmes ici-bas, lorsqu'elles sont touchées par une moussiba, par un mal. Elles nous disent, cela nous montre que cet acte dans ici-bas faisait partie des actes des femmes. Et donc, il faut, oh cher frère, qu'on soit des hommes. Tu as un frère qui a un problème, tu vas le voir. On ne t'a pas dit de le taper. Tu vas le voir, il vient, on se pose, etc., etc. Et on mange bien, une fois que ton frère a bien mangé, Shabbat, elle est bien assis. Là, tu te poses la question, tu dis, regarde, il y a telle chose, telle chose, telle chose. C'est important. Combien de problèmes on a dans la communauté musulmane à cause de ça? À cause du manque de sincérité sur ce sujet-là. Aller parler à droite, à gauche, au lieu d'aller voir le frère. Et donc ça, c'est un principe qui est vraiment important, cher frère. Et j'ai résumé pour ne pas faire trop long, notamment que ce hadith, on l'a déjà vu et revu plusieurs fois. Le hadith qui vient après est un hadith aussi très important, le hadith numéro 14. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. سلام الله بن مسعود رضي الله عنه qui dit j'ai demandé au prophète صلى الله عليه وسلم quelles sont les œuvres qui sont les plus aimées d'Allah عز وجل. Il a dit صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها, la prière à son temps. Thumma ay, et donc Ibn Mas'ud qui dit, puis quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, birrul walidey, la bienséance, le bon comportement envers les parents. Ensuite il dit Ibn Mas'ud, thumma ay, puis quoi? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al jihad ou fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. As-salat. La prière. Encore une fois, je le répète, la salafia, ce n'est pas le fait de te dire je suis salafi. Oh cher frère, la première chose sur laquelle on sera interrogé, yaoum al-qiyama, notre prière. La première adoration sur laquelle tu seras interrogé, c'est la prière. Et parmi les éléments qui montrent l'importance de cette prière, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné l'accomplissement de la prière dans les cieux et pas ici-bas. Pas ici sur terre. Mais cela lorsqu'il a été donc élevé au ciel et c'était lors de l'ascension. Et cela s'est fait directement, sans intercession. Il n'y avait pas Jibril qui a intercédé, ou du moins, qui intercédait entre le prophète, qui était intermédiaire du moins, entre le prophète et Allah tabaraka wa ta'ala. Mais cet ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et ça nous montre l'importance de la prière. Oh chers frères, il faut qu'on arrête d'être négligent sur ce sujet. C'est pas normal que des personnes qui s'affilient à la sunna, qui disent jour et nuit, salafia, salafia, salafia, salafia, on est où à la salat? On est où? Un principe aussi important que la prière, on a déjà du mal. C'est ça la salafia? Abadan. La salafia, ce n'est pas sur la bouche. Il faut l'appliquer. Et aussi, on a un grand problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement accroché à la dunya que cette prière, c'est devenu juste une obligation. C'est une obligation. Tu l'as fait parce que c'est obligatoire. Même certains, ils sont là en train de faire leurs occupations. Ah, la salat, il faut y aller. C'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Accorde-nous du repos avec celle-ci au Bilal. Et là, Bilal, il allait faire le Eden. Parce que la salat, la prière, est un repos pour le croyant. La prière est un moment paisible pour le croyant. Le croyant, il aime la prière. Il aime sa relation avec son Seigneur. Aujourd'hui, certaines personnes, lorsque tu parles avec eux comme ça, ils presque te prennent pour un soufi. Non, les frères, c'est la salafia. Le fait que tu aimes ta relation avec ton Seigneur. Le fait que tu aimes la prière. Tu aimes invoquer ton Seigneur. Tu aimes prier. Tu aimes te prosterner. Ça fait partie des caractéristiques des croyants. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, on fasse retarder l'heure de la prière comme ça. Hein? Et ça, c'est une caractéristique des munafiqines. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans Sahih Muslim, « Tilka salatul munafiq » Celle-ci est la prière de l'hypocrite. « Yajlis yarkubu shams » Il s'assied et suit le soleil. Il suit l'évolution du soleil. Hatta takun bayna kornei shaitan, jusqu'à ce que le soleil soit sur le point de se coucher. Hein? Fayankuruha nakran. Et à ce moment, la personne, elle va prier, elle va accomplir sa prière comme le fait l'oiseau, comme lorsque l'oiseau, il va becqueter le sol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il va prier rapidement. Ça, c'est la prière du Munafiq. Il est là, le temps, il passe, il n'a pas une raison valable pour retarder sa prière, il attend le dernier moment, et lorsqu'il le fait, il le fait rapidement. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Il ne fait le rappel d'Allah dans sa prière que très peu. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps d'évoquer, il n'y a pas de Allahu Akbar, Allahu Akbar. Presque il oublie, et allez hop, il faut finir. Natakhallas min hadhihi salat. Allez, on s'en débarrasse de cette prière. C'est bon, on l'a fait. Ça, l'importance qu'on a de notre religion. Et donc, il faut qu'on fasse attention, mon cher frère. La prière en son temps. C'est-à-dire qu'ils nous disent, les ulémas, au début de son temps, comme il faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut arrêter de retarder la prière et il faut arrêter aussi de l'accomplir à la maison. Souvent, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on a cette baisse de foi? Pourquoi est-ce qu'on a cette baisse de foi? Parce que tu vis déjà, fiwa satel mushrikin, tu vis au milieu des polythéistes. Tu vois des péchés dans tous les sens. Hein? Premièrement. Deuxièmement, ta salat. Cette arme qui te permet de te protéger contre les péchés. Tu es négligent dans cette salat. Le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il nous dit, souvent on se demande comment ça fait-il que je prie, je prie, je prie et j'arrive pas à délaisser les péchés. Pourquoi? Ben déjà, regarde l'heure à laquelle tu fais ta salat, déjà, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, regarde ta salat, comment tu l'as fait? Est-ce que tu as du khushu'a? Est-ce que tu as du khushu'a dans ta salat? Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Hein? Lorsque. Donc, certains des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils abordaient les fitanes. Ils abordaient les fitanes et la disparition de la science. La disparition de la science. Certains furent choqués. Talha, il était choqué. Comment ça, la science va disparaître alors qu'on a le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala? D'autres ont dit, mais regarde, les juifs et les chrétiens, ils ont bien la Torah et l'Injil. Et malgré ça, la science, elle a disparu pour eux. De la même façon, les musulmans, la science, elle va disparaître aussi. Et ensuite, il dit, est-ce que tu veux que je t'informe de la première chose qui va disparaître? Naam, el-khushu'a. El-khushu'a. Asa an tadkhula fi masjidin jami'a. Il se peut que tu rentres dans une grande mosquée. La tajidu fihi rajulan khashia. Et que dans cette mosquée, tu ne trouves pas un homme qui prie avec du khushu'. Tu l'as, Allahu Akbar. Alors après la salat, je dois aller voir un tel, je dois faire ci, je dois faire ça, etc., etc., etc. C'est ça le khushu', abadan. Mais malheureusement, on est éprouvé par ça. La tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Hein? On vient à la salade. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après la salade, on peut se poser avec les frères devant la mosquée et discuter. C'est ça la salade. Et donc, ô chers frères, il faut qu'on accorde une grande importance à ce principe fondamental dans notre religion, la prière. Et aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans ce hadith, Birru al-walidayn. Le bon comportement envers les parents. La salafia, ce n'est pas une parole, ce n'est pas le fait de parler. Il faut agir. Le bon comportement envers les parents. Parmi les éléments qui montrent le bon comportement envers les parents, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs passages de son livre, il a associé entre son droit à lui, il a cité son droit à lui, le fait qu'il doit être adoré lui seul. Et après cela, juste après cela, il a cité le droit des parents. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah et ne lui accordez aucun associé. Yarhamuk Allah. Et faites preuve de bienséance, d'adopter le bon comportement envers vos parents. El birr, le bon comportement envers les parents, c'est le fait d'obéir aux parents. Et de ne pas faire tout ce qui pourrait être une désobéissance ou un mauvais comportement envers eux. Le fait de dire ouf. Hein? Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de dire ouf à nos parents. Ouf, en créole, ça serait le. Hein? En France, ça serait le... Ça, c'est interdit. Les savants nous disent, fait Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité le moindre. Il a cité le plus petit élément qui montre une forme de manque de respect pour nous montrer que tout ce qui est au-dessus est interdit. Aujourd'hui, mashallah, hein, des jeunes qui s'affilient à la sunna lorsque les parents ils font quelque chose qui ne leur plaît pas, on tape sur la table, ah mais tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est quoi ça? T'as pas compris la sunna? Ça, c'est un beau comportement envers les parents. Anta, c'est toi qui n'as pas compris la sunna. Et donc, c'est important, cher frère, barakallahu fikoum. Ce principe fait partie des principes essentiels de notre religion, le bon comportement envers les parents. Même s'ils sont mouchriquines, non, même s'ils sont mouchriquines. Fa'im jahadaka ala an tushrika bi, ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'ahuma. Et s'ils s'efforcent de te faire associé, de te faire me donner un associé ou de m'accorder un associé dont tu n'as aucune science. Fais-la tout à Huma. Alors ne n'oublie pas. Wa sahib Huma fi dunya ma'roufa. Mais comporte-toi bien avec eux ici-bas. Et donc, les gens, ils pensent que sous prétexte que tu ne dois pas obéir à tes parents lorsqu'ils te redonnent le mal, tu dois mal te comporter avec eux. Non, tu n'obéis pas. Mais par contre, tu te comportes bien avec eux. C'est important. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, Kul, il dit à son prophète, Kul ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Dis, venez, parce que les polythéistes, ils interdisaient des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a répliqué à cela. Et ensuite, il leur donne son prophète, Kul ta'alaw, dis, venez. Je vous cite ce que Allah vous a interdit. An la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Ne lui accordez aucun associé et comportez bien, et ayez adopté la bienséance envers les parents. Ici, concernant la traduction pour nos frères arabophones. Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum 'alaykum an la tushriku bihi shay'a. Comment vous traduisez? Surtout la partie Anna tout s'est compliqué. Parce que ici, il nous dit Kul ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Je vous cite, je vous lis ce que votre Seigneur vous a interdit. Anna tout s'est compliqué. Est-ce que c'est le fait de faire du shirk qui est interdit ou c'est le fait de délaisser le shirk qui est interdit? Pas que vous savez pas. Délaissé. Hein? Délaissé. C'est le fait de délaisser le shirk qui est interdit? Et donc c'est le fait de faire du shirk qui est bien alors? Non, délaisser le shirk. Hein? Délaisser le shirk. Regarde, le verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. An la tushriku bi shay'a. Est-ce que c'est le fait de faire du shirk qui est interdit ou c'est le fait de délaisser le shirk qui est interdit? C'est le fait de faire du shirk qui est interdit. On est d'accord? Comment est-ce qu'on comprend le verset ici? Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'a. Qui m'explique? Parce qu'ici, il nous cite ce qui est interdit. Ce qui est interdit, an la tushriku bihi shay'a. Que vous ne lui accordez pas d'associé. Ou du moins, an la tushriku bihi. Là, je ne vais pas donner la traduction, je vais donner la réponse. An la tushriku bihi shay'a. Comment on répond à ça, les frères? Est-ce que tu as compris le problème, Ibrahim? Alors, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le début du verset, Kul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum. Venez, je vous lis ce que votre Seigneur vous a interdit. Et donc là, on s'attend à voir des interdictions. La première interdiction, An la tushriku bihi shay'a. C'est une histoire de Masdar, non? Masdariya, non? Non, c'est pas ça. Il a une nafi. La négation. Non. Déjà, le problème, est-ce que tu vois plus ou pas? Parce que non, on a une interdiction. Qu'est-ce qui est interdit? Est-ce que ce qui est interdit, c'est de faire du shirk ou de délaisser le shirk? C'est de faire du shirk. Ici, il est cité interdiction et ensuite un la touche les coups. Le fait de délaisser le shirk. Et donc, une personne, il se peut qu'elle comprenne que ce qui est interdit, c'est le fait de délaisser le shirk. On va te dire non. Ici, certains savants te disent Hunak takdir wa mahzouf. C'est Hua. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum Hua an la tushriku bi shay'a. Dis, venez, je vous cite ce que votre Seigneur vous a interdit, c'est que vous ne lui accordez pas d'associer. Ou alors, ils vont te dire là. Ils vont te dire la huna sila. C'est ce que certains disent Zaïda. Parfois, quand une personne voit que certains savants du nahou, de la grammaire, ils vont dire que des termes dans le Coran sont Zaïd, ils vont dire ah non, ça c'est incorrect ça. Pourquoi? Parce que Zaïd, il n'y a aucune lettre dans le Coran qui est Zaïda, qui n'a pas de sens. On va te dire non, ce n'est pas ce qui est voulu. Ici, lorsqu'ils te disent Zaïda, ce qui est voulu par là, c'est un élément qui permet d'appuyer la parole. Et donc, ils vont te dire ici, la Zaïda. Un la tushriku bi shay'a. C'est-à-dire, la signification ici, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum an tushriku bi shay'a. Et donc, le la et les Zaïd, il a été donc rajouté pour appuyer. Ici, c'est comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il s'adresse à Shaitan, Ma mena'aka an la tasjuda id amartuk. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je t'ai ordonné? Et d'autres savants, ils vont nous dire une troisième explication. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum. Ah, na'am. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum. Ça s'arrête là. Dis, venez, je vous lis ce que votre Seigneur a interdit. Alaykum an la tushriku bihi shay'a. Vous ne devez lui accorder aucun associé. Et donc là, pourquoi est-ce que j'ai cité cette parole ici, Yifka? Pourquoi? C'est pour qu'on... Juste pour vous montrer l'importance du tafsir. Juste pour vous montrer l'importance du tafsir. Un sujet de base ici, on est dans la compréhension du tawhid, la ilaha illallah. Il se peut qu'une personne, en lisant le Coran, elle ne comprenne pas ici. Pourquoi? Parce qu'on ne revient pas au tafsir. Et donc, en plus de lire le Coran, il faut que tu fasses l'effort de lire le tafsir. Tu mémorises le Coran, fais en sorte que tous les versets que tu mémorises, tu aies aussi lu l'interprétation correcte des ulama de ces versets. C'est important. Et c'est ça la voie des pieux prédécesseurs, dans la mémorisation du Coran. Et donc, il est important, chers frères, qu'on regarde le tafsir. Ici, donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre des interdits. Il a abordé le shirk. Et ensuite, tout de suite après, wabil walidayni ihsana. Ici, on a un ordre. Le fait qu'il nous ordonne d'adopter la bienséance envers les parents. Et ensuite, il dit tabaraka wa ta'ala, wala taqtulu awladakum min imlaq. Ne tuez pas vos enfants à cause de la crainte de la pauvreté. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nous vous accordons votre subsistance ainsi qu'à eux-mêmes. Il nous montre tabaraka wa ta'ala que notre subsistance, elle n'est pas entre nos mains. La subsistance de nos enfants n'est pas entre nos mains. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Notre subsistance à nous-mêmes n'est pas entre nos mains. N'ayez pas peur, il n'y a pas de peur à avoir. N'ayez pas peur de la hijra par rapport à la subsistance. N'ayez pas peur. Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder ta subsistance. Et ensuite, il continue tabaraka wa ta'ala. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ne vous approchez pas des turpitudes, celles qui sont apparentes et cachées. Ils nous disent les savants du tafsir, النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل. Ils nous disent l'interdiction de s'approcher des turpitudes est plus fort que l'interdiction de faire des turpitudes, car cela englobe l'interdiction de tout ce qui entraîne aux turpitudes. Hein? Tout ce qui entraîne aux turpitudes. Avec nos téléphones, faut faire attention. Et aussi, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Wala taqtulu nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Et ne tuez pas, donc, ne tuez pas, vous ne devez tuer quiconque que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de tuer. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit le meurtre. Et donc, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Voilà ce qu'il vous a recommandé. Peut-être raisonnez-vous. Peut-être avez-vous de la raison. Les savants du tafsir, ils disent ici هَذِهِ الْآيَةِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ بِحَسْبِ عَقْلِ الْعَبْدِ قِيَامُهُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Il nous dit, ce verset, il nous montre que la personne va obéir, que l'obéissance aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le serviteur dépend de sa raison. Dépend de sa raison. Et donc, le fait que tu te comportes mal avec tes parents, cela montre un manque de raison. Cela montre un manque de raison. C'est contraire à la raison. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, elle nous cite plusieurs ordres et plusieurs interdits. Et c'est là qu'après elle nous cite « Wa anna hadha sirati mustaqima » « Ceci est ma voie dans toute sa rectitude. » Et c'est là qu'on revient. Les frères, c'est ça la salafia. Hein? C'est pas normal que tu viennes, hein? je suis salafi, et que derrière tu as un mauvais comportement envers tes parents. Pourquoi? Parce que le bon comportement qui a été cité ici, ça fait partie de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala dans toute sa rectitude. « Fattabiruhu wa la tattabiru subul » Alors suivez-la et ne suivez pas les voies qui mènent à l'égarement. Faites affarraka bikum an sabili. Et donc ces voies vont vous dévier, vont vous diviser et vont vous éloigner de sa voie, de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important, chers frères, qu'on accorde de l'importance à ce principe, l'obéissance aux parents. Et ce n'est pas normal quand on le néglige. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité El jihad ou fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. Il n'y a nul doute que le combat dans le sentier d'Allah fait partie des actes d'adoration les plus nobles dans notre religion. Le combat dans le sentier d'Allah, avec les conditions du combat dans le sentier d'Allah. Et donc il est important, chers frères, barakallahu fikoum, d'apprendre ce que c'est que le combat dans le sentier d'Allah, afin d'éviter de tomber dans les erreurs des takfiris, les erreurs des terroristes qui ne savent pas ce que c'est que le combat dans le sentier d'Allah. Il ne faut pas rejeter le combat dans le sentier d'Allah comme font certains, comme font d'autres. Non, ça n'existe pas, le combat dans le sentier d'Allah. Non, oui, ça existe. Ça fait partie des actes d'adoration les plus nobles. Mais il faut savoir ce que c'est. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Une science profitable qu'on va appliquer, qu'on va œuvrer avec. Ça, c'est très important. Barakallahu fikoum. Ne faites pas en sorte que ce que vous apprenez soit une preuve contre vous. Yawm al-qiyama. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.